Chérie, t'as invité qui pour Noël? Alors, Bradley Cooper et Lady Gaga, Catherine II de Russie, oh, et les joueurs de Première Ligue. Ah, du coup, je vais peut-être acheter de la bûche. C'est bon, Eric, je dors s'en occupe, il ramène tout un platane. En novembre et en décembre, sur Canal+, A Star is Born, Catherine the Great, la Première Ligue et Platane saison 3. Pour Noël, offrez-vous Canal+, c'est toujours 19,90€ par mois. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com. Offre soumise à condition. La suite et la fin de notre série sur l'Amérique latine. Mm-hmm. Et je vais faire faire le sommaire par mon invité Ruben Gallo. Qu'est-ce que vous faisiez au téléphone il y a juste 15 secondes? Oui, Jeanne, je viens d'appeler Mario Vargas Llosa qui est à Madrid pour lui prévenir qu'on allait parler de lui. Et il est très ravi. Il a dit la maison de la radio. Je travaillais là quand j'étais à Paris. Ben voilà, le sommaire est fait. Les rôles de l'écrivain dans la société. La responsabilité de l'écrivain vis-à-vis de son temps et de ses contemporains. J'ai cru à tout ça. Un écrivain national d'Amérique latine, Mario Vargas Llosa. Je crois qu'en Amérique latine, on ne s'est pas encore rendu compte que les écrivains ne sert à rien. Hein? Alors on croit que les écrivains ont des réponses pour tous les problèmes qui peuvent aider les gens à améliorer leur vie. Alors peut-être ça, c'est la raison pour laquelle les écrivains, oui, ce sont des figures publiques, tandis qu'en Europe, dans le reste du monde, je crois que non. Hein? Les écrivains sont devenus bons à rien. Hein? La marche de l'histoire. Jean Lebrun. Sur France Inter. Souvenir, c'était une émission avec Mario Vargas Llosa. À El Sur, un café argentin de Paris, il y avait une foule innombrable. Les gens étaient littéralement assis à ses pieds. Et encore, était-ce bien avant qu'il ne reçoive le prix Nobel de littérature. Vous étiez, Ruben Gallo, bonjour. Bonjour, Jean. Vous étiez à Princeton, où vous dirigiez le programme latino-américain de l'université, quand Mario Vargas Llosa a reçu ce prix. 2010. Oui, tout à fait, c'était très émouvant, c'était une grande surprise parce que à l'université, surtout à Princeton, tout est très calme et là, on était débordé par de centaines de journalistes qui arrivaient avec des caméras, avec tous leurs matériaux de toutes les quatre coins du monde. Alors vous, je suis face à vous comme un provincial. Mais c'est pareil devant Mario Vargas Llosa. Alors, Vargas Llosa, les États-Unis, Princeton, où sont ces archives, Madrid où il vit, Paris qu'il fréquente encore beaucoup, le Pérou, son pays natal. Et alors vous, c'est Mexico, Vienne à la recherche de Freud, Princeton, bien sûr. Enfin, vous êtes un peu provincial aussi quand même, parce que vous avez une maison où ça? En Bourgogne, dans un petit village qui s'appelle Annan, dans la Nièvre. Donc vous êtes provincial. Oui, tout à fait. Et en plus, je suis né à Guadalajara, qui n'est pas Mexico. C'est une ville, c'est la deuxième ville de Mexico, mais c'est la Provence. Alors vous publiez un Proust latino-américain, on y viendra tout à l'heure, et puis des entretiens chez Gallimard, l'atelier du roman, avec Vargas Llosa. Ce sont les entretiens que vous avez menés à l'ombre des archives. Alors, il y a 365 cartons d'archives du grand écrivain national chez vous? Oui, tout à fait. Princeton a des archives très importantes pour la littérature latino-américaine. On a les archives de Mario Vargas Llosa, de Guillermo Cabré Infante, de Carlos Fuentes, de Reinaldo Arenas, de beaucoup d'autres. Et c'est très curieux parce que si on regarde dans les inventaires de la bibliothèque, on a le nombre de mètres linéaires des archives. Donc, certains sont très réduits. Par exemple, on a les archives de Severo Sarduy, l'écrivain cubain qui avait vécu à Paris, et là on a 3-4 mètres. Mais pour Mario Vargas Llosa, c'est plus d'une centaine de mètres linéaires. Et lui-même a découvert beaucoup de choses sur son enfance, son adolescence, qu'il avait complètement oublié. C'est un provincial? Oui, parce qu'il est né à Arequipa, qui est une ville du Pérou, qui n'est pas la capitale. C'est une ville qui est à des centaines de kilomètres de Lima. Oui, donc c'est un provincial. C'était en 1936, et puis son père s'est retrouvé en exil. Il a passé une partie de son enfance en Bolivie, et la famille revenue, son père, préfet à un moment, a eu la drôle d'idée de l'inscrire dans un collège militaire qui va faire la matière d'un très beau livre de Vargas Llosa, qui a donné à son tour lieu à un film, La ville et les chiens. « Au collège militaire, c'est la loi du plus fort qui règne. Parmi les cinquièmes années, un garçon timide est devenu le souffre-douleur de tous. C'est un noir, surnommé l'esclave. Incapable de se battre, il accepte toutes les corvées et toutes les humiliations. Il tombe un jour aux mains des aînés, les cadets de quatrième année, qui lui infligent une séance de bizutage. L'esclave ne se rappelle pas à quelle section il fut emmené, ni par qui. Mais le dortoir était plein de fumée et d'uniformes, on entendait des rires et des cris. À peine eut-il franchi la porte qu'il se sentit frappé dans le dos. Il tomba par terre, fit un tour sur lui-même et resta étendu. Il essaya bien de se relever, impossible. Un pied pesait sur son estomac. 10 visages indifférents le contemplaient comme un insecte et l'empêchaient de voir le plafond. Une voix dit « Pour commencer, chantez-nous 100 fois « Je suis un chien » sur un rythme de corrido mexicain. » Il en fut incapable. Le machisme, c'est quelque chose qui nous vient de la tradition espagnole et je crois qu'en Espagne, ça vient de la tradition arabe, un peu. Mais enfin, ça, c'est un mythe qui est très vivant encore en Amérique latine. Elle était plus... Alors, il y avait beaucoup de garçons qui entraient par cette mythe qui entourait le collège. Et il y avait, d'autre part, une minorité de garçons qui venaient du sommet de la pyramide sociale, qui étaient envoyés au collège militaire par leurs parents, parce qu'ils étaient des garçons difficiles, parce qu'ils avaient des mauvaises orientations. Et alors, les familles croyaient qu'en les soumettant à une... instruction militaire difficile, il se corrigerait. Section de queso. Section région. Section et columna curisse. Il va découvrir la totalité du Pérou dans ce collège. Parce qu'il y a des recrutements, il vient de le dire, divers. Ça va toujours le préoccuper, sortir du compartiment, passer les cloisons. Et puis, il va découvrir ce qu'est la soumission dans un ordre militaire. Et il se trouve que le Pérou, dans l'époque de son adolescence, est sous la férule d'un général, Odría. Oui, tout à fait, le général Odría, qui était un dictateur, à une époque très sombre en Amérique latine. Parce que dans les années 50, il y avait des dictatures dans tout le pays. Partout en Amérique latine. À Cuba, on avait Batista, en République dominicaine, on avait Trujillo, au Pérou, on avait Odría, en Colombie, il y a une dictature, au Venezuela, il y a une dictature, au Mexique, il y a eu les prix qu'on appelait pas une dictature, mais une dicta blanda, une dictature molle. Mais c'était une période très très sombre. Et pour le Pérou, ce qui est intéressant, c'est que Mario Vargas Llosa fait les liens entre ce qu'il a découvert au lycée militaire, Leoncio Prado, et ce qui s'est passé au pays. C'est-à-dire, la dictature, c'est l'inverse d'une démocratie où il y a une figure qui est le caudillo, le leader fort, qui est une tradition latino-américaine terrible. Et c'est ça qu'il a découvert au lycée Leoncio Prado. Comment ça marche? L'autorité et l'autoritarisme. La ville et les chiens, ça paraîtra quand il vit en Espagne. Il y a à l'époque encore un autre dictateur, Franco. Mais ce thème de la dictature, on le retrouve dans tous ses livres. Alors, Trujillo fait l'objet en 2000 d'un volume terrifiant par sa violence. Et le tout dernier livre de Vargas Llosa, que nous n'avons pas encore en France, concerne encore un dictateur. Oui, c'est un livre passionnant qui s'appelle « Tiempos recios »,« Temps dur ou temps difficile ». Le titre, c'est une citation de Sainte Thérèse d'Avila. Mais c'est sur Guatemala dans les années 50 et ça parle de la dictature qui a renversé le gouvernement de Jacobo Arbenz, qui était un président qui était élu démocratiquement, qui était très progressiste et qui a fâché l'ambassade des États-Unis. Et donc, il était renversé par les dictateurs Castillo Armas, qui était à son tour assassiné par la CIA. Mais alors, ces noms, on ne les connaît pas, nous, ici en France. Et d'ailleurs, Vargas Llosa dit, ces dictateurs, et regardez de près, c'est des minus à bains, c'est peu de choses. Un jour, avec un groupe d'étudiants protestataires, il est reçu par l'homme de main, l'arme d'année du général Odría. Et il voit que l'arme d'année du général Odría, c'est rien, quoi. C'est une nullité humaine. Oui, et c'est ça qui l'intéresse beaucoup dans plusieurs romans. On voit ça dans Conversation à la cathédrale, dans la fête du bouc, et aussi dans Tiempos Recios, le dernier roman. Et c'est-à-dire, il s'intéresse au fait que dans une dictature, c'est pas le dictateur qui fait tout, il y a toujours un homme qui est très obscur, une figure qui est cachée, qu'on ne voit jamais. Il n'y a pas de photo de lui. Et c'est souvent le directeur de la police ou le directeur de services secrets. Et c'est cette personne qui s'occupe du travail sale, des tortures, des violences, de faire disparaître des gens. Et donc, pour Rodríguez, c'était un homme qui s'appelait Esparza Sañárritu, qui était terrible, celui qui était chargé de torturer les étudiants. Oui, mais il était tout petit, sur un immense fauteuil. Oui, et donc Vargas Llosa n'avait l'air de rien. Vargas Llosa le rencontre quand il était étudiant. Il a rendez-vous avec lui pour lui demander d'apporter des couvertures à ses camarades qui étaient dans une prison. Oui, et effectivement, il raconte un petit homme qui était rien de tout, qui était très fragile d'un côté. Et quand il le voit, il dit « mais c'est lui ». Esparza Sañárritu. La peur fait aussi la dictature. Pas facile d'être journaliste dans ces conditions-là. Il va quand même commencer à la Chronica. Il dit d'ailleurs qu'il faut regarder les chroniques société, faits divers, qui apparemment ne sont pas les plus importantes pour deviner un peu de ce qui se passe dans un pays qui est sous la tutelle d'un chef militaire. Et l'arrivée en France, pour faire du journalisme, AFP, cette maison, la maison de la radio, où il y avait RFI à l'époque, c'est comme une libération. Je peux faire un pas de côté et vous demander, Ruben Gallo, de nous raconter votre premier séjour à Paris, parce que vous étiez tout jeune, vous rêviez de Paris, et vous étiez là pour très peu de jours, et vous aviez beaucoup lu Marcel Proust, vous en parlez dans un autre ouvrage qui paraît, Proust Latino, Buchet-Chastel, et vous dites à votre copain qui partage la même chambre que vous, on va aller au bois de Boulogne, et... Oui, donc j'avais 15 ans, ouais. Et on était dans un voyage organisé par l'Alliance Française de Guadalajara, donc on était un groupe de dizaines de Mexicains, de provinciaux, de garçons et de filles, et moi j'avais lu la littérature française avec une grande passion, et... Je pensais que j'allais retrouver ce monde que j'avais trouvé chez Balzac, chez Proust, du Paris du 19e, de la Belle Époque. Donc je dis à ces garçons qui partageaient ma chambre d'hôtel avec moi, qui avait aussi 15 ans, je lui dis, il faut qu'on aille au bois de Boulogne. Sauf que c'était presque minuit. Il m'a dit, mais c'est un peu tard. J'ai dit, non, mais il y aura des élégantes qui rentrent du bal, tu vas voir, c'est des femmes habillées, en costume, en robe magnifique de chez Fortuny, tout ce que j'avais lu dans la littérature française. Et donc, on prend le métro, on y va, on arrive, c'était presque 1h du matin, et on trouve, c'était très sale, il y avait des poubelles partout, et il n'y avait personne, donc on a dit il faut se promener un peu parce que les gens qui rentrent dans le bois, bien sûr. Oui, les gens qui rentrent des balles, des sociétés seront sans doute dans une autre partie. Et donc on voit une figure habillée en blanc et on a dit tiens, c'est une élégante, on va voir. Et on arrive et c'était affreux. C'était quelqu'un qui est habillé en blanc. Mais on dirait, c'était tout attonné, c'était une vision effrayante. Ben, c'était un transsexuel brésilien, peut-être. Oui, on ne le savait pas à l'époque, on a pensé que c'était... On a vu un spectre, on a vu quelque chose. L'Amérique latine est à Paris. Et donc on est rentré en courant au métro, on est rentré dans notre chambre d'hôtel. Alors vous évoquez dans ce Proust latino l'univers d'amis latino-américains qui a joué un rôle dans la vie de Proust, à commencer par son amant, devenu l'ami jusqu'à la fin de ses jours, qui s'appelait Reynaldo Hahn, que vous étudiez très en détail à travers la correspondance de Proust, les dessins que Proust lui envoyait. Juste à la mort de Proust, il achève Ciboulette. Voici ici Régine Crespin dans Ciboulette. Il y a des femmes qui font la folie de s'appeler pour s'appeler Camille. Il y en a d'autres qui se croient assez grandes pour s'appeler Yolande. Je m'appelle Ciboulette, ça sonne clair comme une chanson. C'est gai, c'est vif, ça pirouette de vie, ça rime avec amourette. Moi, je m'appelle Ciboulette. Ça s'appelle comme une chanson. C'est bien, c'est bien, c'est bien. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Notre sujet, c'est Vargas Llosa. Juste avant de revenir avec lui, avec notre invité, Ruben Gallo, qui publie ce Proust latino, que je recommande à nos auditeurs, c'est chez Buchet Chastel. Juste une remarque, au fond, Proust, on le trouve peut-être plus en Amérique latine, dans certains milieux, dans certaines classes sociales qu'à Paris, maintenant. Oui, je pense... C'est quelque chose que je raconte dans la préface du livre. Le monde que Proust décrit dans son roman est bien disparu à Paris. Par exemple, c'est presque impossible de trouver quelqu'un qui parle à la troisième personne, qui dit « si monsieur le comte le veut, on peut préparer un dîner, etc. » Ou même tout le petit détail de comment on s'adresse à un truc là social, ça se perd en France. Mais en Amérique latine, il y a beaucoup de pays où on continue à parler à la troisième personne, par exemple dans le petit village d'Argentine. Et j'avais rencontré les héritiers de Iturri, qui était l'ami de Robert de Montesquieu. Et donc, du côté de chez Charlus, oui. Oui, et donc on a passé toute une journée avec eux, on a parlé à la troisième personne. Donc je pense qu'il y a un côté du monde proustien qui vit encore en Amérique latine. Tandis que quand vous êtes dans votre village de la Nièvre, que vous donnez un repas pour fêter votre arrivée, et que vous dites, monsieur le maire, prendra-t-il un peu de vin de Bourgogne ou une bouteille de Bordeaux? Qu'est-ce qu'il vous répond? Oui, il a dit, Ruben, c'est un petit village, on se tutoie. Et après, il a sorti un pétard. Donc c'était un rappel que le monde proustien n'existe pas dans ce village de Bourgogne. Alors vous aimez bien, parce que vous êtes freudien, vous aimez bien raconter comment on s'incorpore un pays dans lequel on vit. C'est un petit peu comme une analyse, on le fait sien. Mais l'incorporation peut donner des résultats étranges. Revenons à Mario Vargas Llosa, qui a donc travaillé pendant 6 ans à Paris et qui en a tiré, à l'entendre ici, dans des entretiens avec Gérard de Cortance sur France Culture, des leçons pour lui inattendues. C'est à Paris que j'ai découvert que j'étais un latino-américain. Jusqu'alors, je me sentais un péruvien, qui rêvait de devenir, du point de vue culturel, un Européen, hein, et peut-être même un Français. Je crois que c'était ça, secrètement, ce que j'aurais voulu être. À Paris, j'ai découvert que je n'étais pas un Européen, quoique j'étais très proche de l'Europe, et aussi que j'étais plus qu'un Péruvien, que j'appartenais à une communauté culturelle, à une famille culturelle, beaucoup plus large que le Pérou, qui avait un dénominateur commun, n'est-ce pas, avec les Pérou, et de laquelle j'ai fait partie. C'est à Paris que je suis commencé à lire la littérature latino-américaine par plaisir. Jusqu'alors, je l'avais lu seulement par obligation, hein, à l'université. Et j'ai découvert qu'il y avait une littérature latino-américaine très riche, très originelle, qui était en même temps une littérature créatrice des formes, des nouvelles formes d'écriture, très ambitieuse et très variée. Une littérature qu'il découvre, qu'il commence à aimer, parce qu'elle est ambitieuse aussi. Parce que dans le maniement des formes, elle est très novatrice. Oui, et il faut dire que c'est surtout une génération qui était spectaculaire, parce que c'est la génération de Gabriel García Márquez, de Carlos Fuentes, d'Octavio Paz, de Mario Vargas Llosa. Il y avait Borges qui était toujours en vie, qui était un peu plus âgé qu'eux. Mais disons, l'univers de la littérature latino-américaine à cette époque, dans les années 60, 70, c'est extraordinaire. Vos entretiens avec Vargas Llosa sont titrés l'atelier du roman et vous vous interrogez sur la manière dont il construit ses romans. Il les construit souvent à grand-peine, il ne sait évidemment pas au début comment ça va se construire à mesure qu'il avance. Et ce sont souvent des conversations mêlées, une conversation centrale, des conversations annexes, des histoires qui s'enchevêtrent. Oui, il a une façon de travailler très complexe. Il a beaucoup pris de la littérature française du 19e, surtout de Balzac et de Flaubert, qui sont deux modèles importants pour lui. Mais par exemple, la conversation à la cathédrale, qui est son roman le plus ambitieux. C'est un roman de fin des années 60, 69, qui raconte la dictature péruvienne, comme on disait tout à l'heure. Et là, c'est très complexe parce qu'il y a presque une centaine de personnages. Et il y a tout. Il y a la classe politique, il y a le ministre, il y a le chef de police dont on parlait tout à l'heure, mais il y a aussi des étudiants, des prostituées, des personnes qui font le ménage, un chauffeur, des personnages très pauvres de la classe moyenne et aussi de l'élite, de la bourgeoisie. Et donc, comment est-ce qu'il pouvait... Il voulait montrer comment une dictature a des effets sur la vie de tout le monde. Des gens qui sont proches du gouvernement, mais aussi de petits gens qui font, par exemple, le ménage chez les autres. Et donc, pour montrer ça, il a trouvé une structure qui est une conversation entre le personnage central qui s'appelle Savalita, qui est journaliste, qui vient d'une famille fortunée, mais qui rompt avec sa famille, et puis l'ancien chauffeur de son père, qui s'appelle Ambrosio. Et donc, ils se rencontrent depuis, après des années qu'ils ne sont pas vus, et ils ont une longue conversation qui dure des heures, et c'est ça la colonne vertébrale du livre qui permet d'enchaîner et d'emboîter toutes les autres personnages et toutes les autres histoires. Vous faites la comparaison avec les romanciers français du 19e siècle. Tous ces romanciers latino-américains ont un rôle d'écrivain national comme Balzac ou Victor Hugo. Victor Hugo encore plus, non, en France. Et l'écrivain national du Pérou se demande, dans les années 1980, qui sont très difficiles pour son pays, s'il ne devrait pas s'inscrire au moins une fois dans l'histoire politique, se présenter à la présidentielle. C'est l'époque du Sentier Lumineux. Oui, il y a une histoire extraordinaire autour du Sentier Lumineux qui a raconté dans un livre de Margas Llosa, des gens ont été massacrés dans un village par des sentieristes, par des guérilleros du Sentier Lumineux. Une commission d'enquête est envoyée dont il fait partie et... Oui, il dit. Non, la commission d'enquête vient après que des journalistes ont été envoyés et ont été à leur tour massacrés. Et la commission d'enquête arrive. Oui, et c'est un tout petit village perdu dans la montagne, dans les Andes. Et c'est un petit village d'une région du Pérou où les gens ne parlent même pas espagnol. Ils parlent de langue indigène. Et donc, c'était très difficile d'avoir des informations sur ce qui s'était passé avec ces journalistes qui ont été massacrés. Et donc, Vargas Llosa participe à cette commission d'enquête avec un ministre de la Cour suprême, avec d'autres personnalités du Pérou. Et donc, ils font une enquête et ils décident que c'était... On pensait que c'était peut-être l'armée péruvienne qui a massacré ce journaliste. Et en fait, ils découvrent que non, c'était les villageois qui avaient très très peur et du Sentier Lumineux et de l'armée. Et quand ils ont vu débarquer ces journalistes, comme ils ne parlaient pas espagnol, ils ont pensé que c'était soit des gens de l'armée, soit de Sentier Lumineux. Ils ont été massacrés. Le Pérou est compartimenté, comme à l'époque de la dictature militaire et du collège militaire, et encore plus à l'époque du Sentier Lumineux. Il va tenter de passer les cloisons pendant des années, 3 ans de campagne électorale. Il est longtemps donné gagnant quand, venu de nulle part, surgit Alberto Fujimori, qui est élu à sa place. Et quelques jours après sa défaite, pour tenir une promesse qu'il avait faite à Bernard Pivot, Mario Vargas Llosa est à la télévision française à apostrophe. Ça va, j'ai survécu à l'expérience. Je me dis que les électeurs péruviens ne se sont résignés pas, que j'abandonne la littérature, et que pour ça ils ont choisi à mon adversaire. Oui, oui. Mais est-ce que quand même vous êtes... profondément déçu. J'aurais préféré gagner l'élection, bien sûr, j'ai beaucoup travaillé, mais ça a été quand même une expérience très très riche. Oui, mais enfin, quand même, vous êtes dans un pays où on sait qu'il ne va pas très bien, vous risquiez de mourir d'une minute à l'autre, quand même, sous les balles de ces terroristes du Sentier Lumineux. C'est quand même terrible d'accéder au poste du président. Vous risquiez quand même votre vie à tout moment. Il est sûr que si la présidence du Pérou n'avait pas été, comme je l'ai déclaré en plaisantant à un journaliste, le métier le plus dangereux du monde, je n'aurais jamais été candidat. J'ai toujours cru qu'écrire des romans représentait, dans mon cas, une façon de vivre les nombreuses vies, les multiples aventures que j'aurais voulu avoir. Je ne peux donc écarter que dans ce fond obscur où se trament les motivations les plus secrètes de nos actes, la tentation de l'aventure m'est poussée, plus qu'aucun altruisme, vers la politique professionnelle. Je croyais connaître le Pérou parce que dès l'enfance, j'avais fait de nombreux voyages à l'intérieur. Mais je dois dire que les incessants déplacements de ces 3 années-là me révélèrent une face profonde du pays, ces terribles contrastes. Le Pérou n'est pas un, mais plusieurs pays. Ou plutôt les nombreuses faces qui le composent, son éventail géographique, social et ethnique, la complexité de ses problèmes et le niveau effroyable de pauvreté et de dénuement de la majorité des Péruviens. Lu par Guillaume Gallienne, un extrait du Poisson dans l'eau, le texte qu'en 1993, 3 ans après sa défaite, il a consacré à cette campagne et auquel vous consacrez des heures d'entretien, Ruben Gallo. Oui, et il faut dire que c'est un livre qu'il a fini à l'université de Princeton. Parce qu'après 3 années de vie politique, de campagne politique, qui était extrêmement fatigant, stressant, il a voulu se reposer et donc il est venu à Princeton pour bien finir Le Poisson dans l'eau. Et c'est là qu'il a fini d'écrire cet ouvrage majeur. Mais c'est pas seulement un témoignage comme le ferait un homme politique ordinaire. C'est deux histoires mêlées, comme d'habitude. C'est une analyse dans le sens de la psychanalyse. Parce que c'est le plus grand échec de sa vie. C'est un homme qui a eu énormément de victoires, de prix littéraires. Et au départ, il pensait que la présidence du Pérou était donnée. Et donc c'était un grand échec, un échec formidable. C'est pour ça qu'il parle de son enfance. Oui, et donc il a commencé une analyse, dans le sens freudien du terme, et il enchaîne des histoires, l'histoire de son enfance, comment il est devenu écrivain, et l'histoire de la campagne politique, comment il a perdu les élections. Donc c'est une réussite et un échec. La réussite du garçon qui est devenu écrivain, et l'échec de l'écrivain qui a voulu avoir la présidence de son pays. Et on voit que ça vous intéresse beaucoup, parce que vous êtes passionné par Freud, Ruben Gallo. Il dit que c'est pas facile de dire la vérité en politique, il montre les choses trappes. Un dernier mot, puisque c'est un écrivain national et qu'il pense que l'écrivain a une responsabilité politique, il engage quand même les gens bien à faire de la politique? Oui, et je crois qu'il explique une chose qui est très simple, c'est que la politique, surtout dans un pays comme le Pérou, une région comme l'Amérique latine, mais partout, on le voit aujourd'hui, la politique est sale. Il y a un côté très sale, mais il dit, il faut quand même faire de la politique. Donc c'est un paradoxe, parce que comment est-ce que les gens viennent, les gens qui sont des intellectuels, qui ont des bonnes intentions, vont faire la politique si c'est un métier sale? Et là, il a une citation passionnante dans Le Poisson dans l'eau qui dit « Dans la politique, les gens qui ont l'intention de faire du bien finissent par faire du mal, et parfois ceux qui ont l'intention de faire du mal finissent par faire du bien. » Donc c'est un paradoxe qu'il faut affronter. L'atelier du roman, donc ce sont vos conversations avec Vargas Llosa. Proust Latino, c'est votre livre chez Buchet-Chastel. Et alors vous parlez ce soir à 19h à Paris? Oui, à la Maison de la Poésie. C'est une rencontre avec Laure Murat et on va parler de Proust, de son rapport à l'altérité, aux étrangers, à son amant Reynaldo Hahn, qui était vénézuélien, mais issu d'une famille juive aussi. Donc on parlait de plein de choses sur Proust, l'Amérique latine et l'étrangeté. Proust étranger à lui-même, même, pourrait-on dire. Merci à vous, Ruben Gallo. Merci, Jean. Ilka Negulesco pour la préparation, Elisabeth Collet à la technique et la réalisation. Audrey Ripouille. Fabrice Douel, je vous annonce le programme de demain. Nous allons parler de théâtre. C'est l'anniversaire de la mort de Gérard Philippe.